la fête et tout le monde décolle. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, y'a des araignées, surtout pas des cols. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, si tu nous rejoins, tu pourras t'éclater avec les sorcières, les trolls et les autres. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, Rock'n'Toll. Derrière la montagne, y'a le pays des trolls. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, c'est là que j'ai appris à jouer du rock'n'roll. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, père m'a dit mon gars tu chasseras le sautré, mais moi j'ai préféré prendre ma guitare et jouer. Rock'n'Toll, Rock'n'Toll, Rock'n'Toll. Les trolls, les sautrés, les humains, on pourrait se donner la main. Je me nourrisse, j'ai faim. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, qu'est-ce que tu fais là? Ce soir c'est la fête et tout le monde décolle. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, y'a des araignées, surtout pas d'école. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, et pour nous réchauffer dans son vieux chaudron, la sorcière nous prépare une soupe au potiron. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll.